Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de VelCS, première émission de Vous êtes libre ce soir sur les ondes de Radio Campus Tours, 89.6 sur la bande FM. VelCS est également disponible en téléchargement sur le blog de l'émission à l'adresse www.velcs.info. Nous sommes ensemble pour une heure et nous parlerons de logiciels libres, de formats libres et ouverts, l'occasion de revenir sur des définitions, notamment avec l'aide de l'encyclopédie libre et gratuite Wikipédia. L'idée d'une émission sur les logiciels libres à l'antenne de Radio Campus Tours est née à la suite d'un commentaire sur mon blog et je remercie donc Julien pour m'avoir fait confiance et laissé carte blanche et à l'équipe de RCT pour l'avoir programmé. Dans les médias et l'actualité, on trouve de nombreuses références aux logiciels libres et pourtant, quand je pose la question aux personnes que je rencontre, nombreuses sont celles qui me répondent qu'elles ne savent pas ce que c'est. Vous êtes libre ce soir tentera donc de vous parler de ces logiciels libres, des licences libres, du côté philosophique et des enjeux des logiciels, du modèle économique qui existe autour. La programmation musicale de VLCS sera également libre, en effet, et programmée de la musique en libre diffusion, disponible sur Internet, avec des plateformes francophones comme Jamendo ou Dogmazic, ou bien encore Outre-Atlantique avec Magnatune. Musique que chacun est libre d'écouter, de télécharger et de copier dans le respect du droit d'auteur et d'une licence. L'occasion donc de faire un point et découvrir ces licences à l'image des Creative Commons. Écoutons tout de suite le titre Invisible Walls de Revolution Void et on se retrouve tout de suite après. Vous venez d'écouter Invisible Walls du groupe Revolution Void, originaire de Seattle, et son album Increase the Dosage, disponible sur le site de Jamendo. Parlons à présent du libre en Touraine, si vous souhaitez dès à présent vous renseigner. Il existe en Touraine des LUG, Linux User Group, soit en français des groupes d'utilisateurs Linux. Le LUG Touraine gère une liste de discussions pour informer et aider à l'utilisation des logiciels libres et organise deux réunions mensuelles autour d'un verre dans un bar. À Tours, c'est au 11 de départ, anciennement le Galerie Café, ou sinon à Azel Rideau. Adresse du site internet www.lug-touraine.org. Il y a également le GU4L, groupe des utilisateurs de logiciels libres Léo Lagrange. Ils organisent des permanences au centre Léo Lagrange à l'espace Jean Siana, 90 avenue Maginot, 37100 à Tours, et vous accueillent de 18h30 à 20h30 du lundi au vendredi. L'adresse du site pour les contacter, www.gu4l.org. On peut également ajouter que le collectif Linux en Touraine, qui regroupe des associations et entreprises, vous proposera les 20 et 21 janvier 2007 les journées du logiciel libre en Touraine. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine émission. Laissons place à présent au titre Eleven de même, qui nous vient de Bracktown, au Royaume-Uni. There are handmade notices around the city. Xeroxes, broadsides, posters. I often see them in front of the main post office. A lot of them are religious. Others are harder to figure out. Something about reading clouds for faces and messages. Systems of numbers, patents, theories of electricity, science, and business schemes. I used to read these broadsides, and whenever I saw handwritten messages, I read them too. C'était le titre Eleven, de même, disponible sur la plateforme Dogmazic. Nous allons écouter d'ici quelques secondes un enregistrement de Richard Matthew Stallman lors d'une conférence à l'Assemblée nationale le 20 novembre 2001. Avant cela, juste quelques mots sur RMS. À la lecture de l'article Wikipédia sur Richard Stallman, vous apprendrez qu'il est le fondateur du mouvement pour les logiciels libres. L'invention du terme anglais copyleft, gauche d'auteur opposée à copyright, droit d'auteur en français, lui est attribué. Richard Stallman est à l'origine du projet GNU et de la licence publique générale GNU. En effet, en septembre 1983, Richard Stallman annonce le développement d'un système d'exploitation libre qu'il nomme GNU. L'acronyme récursif GNU signifie « GNU is not Unix ». Le système d'exploitation GNU vise alors à être un équivalent libre d'Unix. Écoutons à présent Richard Stallman. On m'a proposé les trois sujets de logiciels libres, des brevets informatiques et de droits d'auteur et contre la communauté. Je ne peux pas le faire tous les trois, mais je dois commencer par expliquer ce que c'est le logiciel libre. Il s'agit vraiment de trois libertés. La liberté d'étudier le programme et le changer selon vos besoins. La liberté de diffuser des copies aux autres. Et la liberté de diffuser une version améliorée et ainsi contribuer à la connaissance de la communauté. Un programme, pour ceux qui n'écrivent pas du logiciel, un programme se ressemble à une recette de cuisine parce qu'il y a une série des étapes à faire pour arriver à un résultat désiré. Avec des règles pour savoir quand la chose est prête pour avancer à la prochaine étape. Et si vous cuisinez, vous savez que parmi ceux qui cuisinent, il est normal d'échanger des recettes. On n'est pas obligé, mais on peut le faire et les gens le font souvent. Il est normal aussi de changer une recette. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner une recette toujours de la même façon, juste comme vous l'avez reçue. Vous pouvez faire des changements, petits ou grands. Et vous pouvez même écrire votre version de la recette et l'offrir aux amis. Si vous l'avez préparé, le plat et les amis l'ont mangé et l'aimaient bien, et demandent la recette, vous pouvez diffuser la recette modifiée, peut-être améliorée selon leur goût. C'est pareil pour le logiciel. Nous faisons dans les années 70, dans mon communauté, la même chose avec le logiciel. C'était normal dans la vie. Voilà. L'intégralité de la conférence est disponible sur le site de l'April, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, www.april.org. Je rappelle donc les quatre principes fondamentaux d'un logiciel libre, et je vais pour cela m'aider de la fiche libre de l'ALDIL, l'Association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre, et leur site www.aldil.org. Liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Cela signifie que vous pouvez exécuter, utiliser un logiciel libre, quoi que vous en fassiez. La liberté 1, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme. Vous avez alors accès au procédé de fabrication du logiciel. Dans les faits, vous avez accès au code source. Pour faire une analogie, le code source est au logiciel ce que la partition est à la musique, c'est-à-dire qu'il a été écrit par le compositeur, le développeur de logiciel, et est interprété par le musicien, autrement dit l'ordinateur. Pour le reste de la population, c'est relativement inintelligible. Liberté 2, c'est la liberté de redistribuer des copies. Vous pouvez faire autant de copies d'un logiciel libre que vous le souhaitez. Vous pouvez distribuer ces copies à qui vous voulez et vous pouvez aussi vendre un logiciel libre. la personne à qui vous le donnez, le logiciel, possède également les mêmes libertés que vous. Liberté 3, c'est la liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations. Vous pouvez donc modifier le logiciel, cela va de la traduction à des modifications majeures, vous pouvez rejoindre l'équipe de développement ou vous pouvez également créer un nouveau logiciel à partir d'un logiciel libre. Pour être considéré comme libre, une licence de logiciel doit garantir ces quatre libertés fondamentales. La plupart d'entre vous utilisent ce qu'on appelle des logiciels propriétaires, avec une licence propriétaire et ses restrictions. Par exemple, installer le programme uniquement sur votre ordinateur, vous interdire de distribuer le logiciel, vous n'en êtes bien souvent pas le propriétaire, et malgré l'achat effectué, ou bien encore, vous n'avez pas le droit d'en faire usage dans un cadre commercial. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces licences libres et non libres, avec des exemples une prochaine fois. On écoute à présent Fly Free du groupe Curl. Just close a little bit your eyes. You'll see it how it was. Don't think as if you dreamed had never been. Vous écoutez Vous êtes libre ce soir à l'antenne de Radio Campus Tour. C'était Curl avec Fly Free en écoute sur la plateforme Magnatune. Dans la pratique, qui utilise des logiciels libres ? Beaucoup de monde finalement, et prenons par exemple Internet. Au niveau du système d'exploitation, avec les chiffres de 2005 vus récemment dans les échos, Windows représente 67% de part de marché en Europe, GNU Linux 18% et 15% pour les Unix et autres systèmes. Sur le marché des serveurs HTTP à présent, avec les statistiques de Netcraft pour octobre 2006, le logiciel libre Apache représente 61% de part de marché contre 31% pour le serveur 2IS de Windows sur les plus de 100 millions de sites internet que compte aujourd'hui le monde. Enfin, selon le cabinet d'études Gartner, 21% des serveurs vendus dans le monde en 2005 étaient équipés de Linux contre à peine 1,4% de postes de travail. Donc nous voyons bien que dans le domaine de l'infrastructure Internet et serveurs pour réseaux d'entreprise, l'utilisation des logiciels libres est en plein essor. Et les derniers accords commerciaux de la semaine dernière entre Microsoft et la société Novell, éditrice de la suite SUSE Linux, dans lesquels les deux acteurs se sont engagés à collaborer sur le plan commercial, technique et des brevets, confirment cette tendance. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer les logiciels libres, que ce soit les entreprises, les États ou les particuliers. L'État français, par exemple, a annoncé il y a peu que 400 000 postes de travail allaient migrer vers la suite bureautique libre openoffice.org pour remplacer la suite Microsoft Office. De même, la gendarmerie nationale utilise déjà depuis pas mal de temps cette même suite bureautique. Car derrière les enjeux des licences des logiciels libres est toujours présent l'utilisation de standards ouverts afin, par exemple, de pérenniser la sauvegarde de nos données et fichiers et le libre-échange et permettre l'interopérabilité. Au journal officiel du 22 juin 2004, publiant la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les formats ouverts sont ainsi définis. On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'intercommunication ou d'échange et tout format de données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiées et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Voilà pour une première approche. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous invite déjà à consulter le site www.format-ouvert.org, le tout au pluriel, qui traite des formats, protocoles et standards ouverts dans différents domaines, car les formats se rencontrent presque partout. On écoute à présent Mélodie Mélodie de Drop Trio. love it falls apart. She left me for a guy who's handsome, tall and smart. This I can never be. See me in my misery. Well, I left the road. You should go, boys, without knowing all the tears you find coming in. She'll leave the town with soon to see what she can find. Self, you have been blind. Where I left the road, you should go, boys, without knowing all the tears you'll find growing there. Where I left the road, you were. Vous venez d'écouter un instant Where I Left the Road d'André Witt, à écouter sur Jamendo, précédé de Mélodie Mélodie de Drop Trio, disponible sur Magnatune. Un petit mot à présent sur Magnatune, justement. Fondé en 2003, Magnatune, que vous retrouverez à l'adresse www.magnatune.com, est une maison de disques indépendante outre-Atlantique et propose son catalogue de musique à la vente par téléchargement ou bien par l'achat de CD pressés sur demande. Magnatune propose son catalogue à la fois pour un usage commercial et non commercial. Basé sur le slogan « Nous ne sommes pas mauvais », Magnatune offre donc la possibilité d'acheter de la musique en ligne et partage la moitié de ses revenus avec ses artistes. Toutes les musiques peuvent être préalablement écoutées, sans restriction de durée, avec la philosophie « Essayez avant d'acheter ». Avec la méthode par téléchargement, vous choisissez vous-même le montant que vous souhaitez payer, avec une fourchette de prix comprise entre 4 et 14 euros par album, et bénéficiez de plusieurs formats de fichiers, sans DRM, du format non compressé WAVE au format OGG par exemple. La particularité de Magnatune, c'est avant tout pour cela que j'en parle, c'est que toutes les musiques au format MP3 128K sont placées sous licence Creative Commons by NCSA. Autrement dit, avec les particularités suivantes. Paternité, pas d'utilisation commerciale et partage des conditions initiales à l'identique. Cela veut donc dire que toutes les musiques disponibles à l'écoute peuvent être diffusées et utilisées selon les termes de cette licence. Paternité, c'est tout simplement le fait de citer le nom de l'artiste quand l'œuvre est utilisée. Pas d'utilisation commerciale, pour ça le titre est assez explicite. Et enfin, partage des conditions initiales à l'identique signifie que si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. Pour continuer dans le thème du téléchargement de musique, en petit clin d'œil, écoutons tout de suite Sam avec Télécharger c'est illégal, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Dogmazic. Et les gars, après votre loi, venez boire un petit coup chez moi. Dans mon canap, on écoutera la Starac. Sur mon iPod, y'aura plus que ça. On achètera de la musique copyrighté jusqu'au bouton play sur des sites de vente en ligne sécurisés pour faciliter l'accès à la diversité. Téléchargez, c'est illégal. Le peer-to-peer, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel, un simple consommateur et un auteur. Oh, On pourrait refaire le monde à la lumière d'un monde plus libre. On pourrait ensemble récolter le fruit de notre travail commercialisé. On pourrait mutuellement s'aider sans avoir universal comme allié. Se faire de la thune sans être abject envers ceux qui nous ont. Écoutez, je pourrais choisir mon mode de diffusion et sans prendre les gens pour des cons. On pourrait vivre avec son temps sans regretter celui d'avant quand le numérique naissait et qu'on pouvait pas copier les CD. Quand les majors choisissaient un artiste par tranche d'âge pour mieux se rincer. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Eh les gars, à cause de votre loi, j'irai bien me taper sur la gueule avec tous les éditeurs de vos systèmes de DRM. Ceux qui pensent que la répression, c'est la solution, que l'éducation passe par la vulgarisation, parce qu'on ne s'adresse qu'à des cons. Qu'il y a le bien et le mal, et que le mal c'est nous, parce que justement c'est un complot du mal, qui nous font croire qu'ils nous veulent du bien, alors que c'est le mal, et que le mal c'est bien connu, c'est pas bien. Et tous ceux qui nous ont oubliés dans leur doctrine, la musique, toute la musique, avec tous ceux qui œuvrent à mettre nos crânes sous vide à rêver devant des compiles de disques. Eh les gars, on pourrait en faire une loi qui défendrait nos intérêts. On pourrait être tous potes, tous égaux dans un monde plus beau, mais sûrement les gars, que jusqu'ici j'ai chanté pour mes amis et pas ceux qui font semblant d'ignorer notre existence. C'est dommage parce qu'il y a urgence. C'était Sam avec Télécharger c'est illégal, à télécharger quand même sur Dogmazic. Revenons à nos logiciels. Le cas pratique. Vous êtes sous Windows, où puis-je trouver des logiciels libres ? Mais avant cela, juste une précision sur le prix d'un logiciel libre. Nous avons vu en début d'émission que pour qu'un logiciel soit dit libre, son code source doit être disponible. C'est une condition indispensable. Cela se traduit dans les faits par une gratuité des logiciels libres. Mais il est souvent fait l'amalgame « libre égale gratuit ». Pour un francophone, c'est plus dû au fait que le terme « free » en anglais désigne à la fois liberté et gratuité. Mais ce n'est pas forcément vrai. On peut très bien vendre du logiciel libre. Des sociétés commerciales comme Mandriva en France ou bien Red Hat aux États-Unis en sont de grands exemples parmi tant d'autres. Ces deux éditeurs vendent des systèmes d'exploitation GNU Linux. En fait, quelque part, ce n'est pas réellement le logiciel en soi, puisque chacun est libre de récupérer les sources gratuitement, mais les activités commerciales portent plus sur des outils supplémentaires, la personnalisation, des solutions d'intégration par exemple, ou bien des services liés au logiciel, un support sur le produit avec par exemple de l'assistance ou de la formation. Puisque rares sont les logiciels à vendre, vous n'en trouverez pas dans le commerce. Vous les trouverez donc sur Internet. Et sous Windows, la bonne adresse à connaître, c'est le site de Framasoft, www.framasoft.net. Le site de Framasoft est en fait un annuaire très vaste de logiciels libres et gratuits. On dénombre à ce jour 1060 logiciels libres avec des outils pour la bureautique, Internet, le multimédia, les utilitaires, le graphisme et encore bien d'autres catégories. Vous trouverez forcément un équivalent libre d'un logiciel propriétaire commercial. Le site propose en outre des guides d'utilisation ou tutoriels afin de vous aider dans la découverte de ces nouveaux outils. Le but avoué de Framasoft, c'est de vous faire découvrir tous ces outils libres sous Windows et de migrer par la suite vers un système d'exploitation GNU Linux. C'est d'ailleurs ainsi que procèdent la plupart des utilisateurs libérés. Prendre ses marques avec les logiciels libres, tels Firefox, Thunderbird ou OpenOffice.org, puis retrouver ses outils favoris sous Linux. À suivre tout de suite le titre « Mon arbre » de Del Garma. soit mon art. Venez d'écouter Mon Arbre avec Delgarma à retrouver chez Dogmazic, ainsi que Le Nettoyeur de Greg Beaumont à retrouver sur Jamendo. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir écoutée. Elle a été préparée et réalisée uniquement avec des logiciels libres, un système d'exploitation GNU Linux avec Fedora Core 6, un éditeur audio numérique libre avec Audacity. La musique d'introduction de l'émission a pour titre Ce matin il pleut de Stéphane D, disponible sur Jamendo. En hommage à nos amis blogueurs de On fait ce qu'on peut, j'aurais pu appeler l'émission Je fais ce que je peux. J'en profite alors pour passer l'annonce, n'ayant pas eu encore le temps de le faire, si ce n'est sur mon blog, pour faire appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient participer à l'élaboration des prochaines émissions, être dans le choix musical, dans les améliorations à apporter, un thème précis sur le libre à évoquer, pourquoi pas des interviews, éventuellement un travail collaboratif à l'image du développement des logiciels libres. Vous êtes libre ce soir et maintenant terminé. Retrouvez tous les liens, la programmation musicale et les ressources utilisées sur le blog de l'émission. Je rappelle l'adresse www.velcs.info. Prochain rendez-vous le samedi 9 décembre 2006 et d'ici là en rediffusion à l'antenne de Radio Campus Tours. Le vendredi 17 novembre de 9h à 10h, le samedi 25 novembre de 11h à midi et le lundi 27 novembre de 17h à 18h. On se quitte en musique avec Hypno du groupe Artemis à retrouver sur Magnatune. Et d'ici là, soyez curieux et bonne découverte. Ciao! From my